c'est fou dans vos oreilles. 89. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Yes. D'aujourd'hui, assemblage requis. Émilie Gauthier nous donne un avant-goût du défi nordique dans sa chronique plénière. Veux-tu sortir avec moi? On fait le tour des actualités du campus. Assemblage requis, et ça commence tout de suite! Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées. Moi, c'est Mathieu Plante. Bonjour, Mathieu Plante. Bonjour, François-Olivier. On t'en dirait des studios de CFO à Trois-Rivières, tu savais ça? Non. En ce mardi, là? On est jeudi. Mardi, 8 février. Montana. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. T'étais tannant hier. J'étais tannant hier? Oui, avec Stéphanie, entre autres. Ah, c'était tannant. Oui, crime, je connaissais son ex. Ben, je le connais encore. Oui, bon, on reviendra pas sur l'histoire. Est-ce que tu vas être tannant avec Émilie aujourd'hui? Non. OK. Bon, Caroline, hein? Ça n'a pas été long comme réponse, non. Hein? Non, je l'aime pas. Ouais, je n'ai pas dit ça. One minute. Donc, aujourd'hui à l'émission, notre plan, ben, c'est Émilie Gauthier, c'est elle, c'est la dame du plein air. C'est la dame de la journée. Dame nature, qu'on pourrait l'appeler. Exact. La dame en bleu, on ne sait pas encore. Oh, Michel Vain qui sortait un album aujourd'hui. T'es-tu sérieux? Pour vrai? Oh, ouais. Pour vrai? Oh, ouais. Sans blague. Oh, ouais. Ah ouais? Pour vrai? Vraiment. T'as dit. On pourrait continuer longtemps là-dessus. Écoute, t'as peu. Je sais même pas comment il s'appelle, là, mais. Ah, ouais. Michel Louvain. Oui, bon. Il est bon, hein? Ah, ben moi, c'est mon préféré. Oh, de loin, ouais. Là. Oh, ouais. De loin. Il est bon. Oui, oui. Il est bon, il est beau. Oui. Il est. Oui. Bon, donc, c'est ça. On a Émilie Gauthier avec sa chronique plénière. Veux-tu sortir avec moi? Aujourd'hui, elle nous parle du Parc national de la Mauricie, un petit peu en bref, là. Mais elle nous donne surtout un avant-goût du défi nordique qui aura lieu les 5 et 6 mars prochains. Elle va nous en parler donc en avant-goût aujourd'hui. Et après l'événement, elle nous en parlera au passé parce qu'elle sera allée. Hein? Voilà. Donc, c'est le plan pas mal. Des nouvelles du campus aussi, des activités à faire, des expositions, des colloques, des rassemblements, des regroupements de gens. Des gens. Des gens. Toujours plus intéressants les uns que les autres. Et voilà, on fera ça tantôt. Il y aura aussi une chronique, c'est un fait, avec des choses à vous mettre comme ça dans la bouche. Pour ensuite les recracher vers d'autres gens sans trop postillonner, parce qu'on sait qu'on aime pas ça, les gens qui postillonnent. Non. Je m'aime pas moi-même, des fois. Tu postillonnes? Ça m'arrive. Ça arrive à tout le monde. C'est la vie. Ouais, mais hey! Bon, Michel Louvain, je suis sûr qu'il postillonne quand il chante des fois son micro à la fin, il doit être oublié. Lui, non, je pense pas. Non? Non. Sérieusement, lui, non. Bon. Patrick Watson, lui? Oui, certainement. Ben, il fera comme à Beijing. Et il se mettra, j'imagine, il devait mettre les petits masques. Là, c'est les petits masques dans le temps en Asie. Ils mettaient tous des petits masques dans leur face. Il y avait des masques blancs d'hôpital. Wow, oui. Pour les maladies, tu te rappelles. Donc, Patrick Watson et. Je sais pas, et Beijing. Le Beijing. Beijing. Pékin aussi. Dépendant. C'est comme l'autre, là. Tu sais, les Olympiques, là. À Beijing, à Pékin. Dépendant des postes où tu regardais, des fois c'était Beijing, des fois c'était Pékin. Ah, je sais pas. Ça faisait la même chose. Someone else's life. Beijing de Patrick Watson. Ben oui, Beijing, Pékin, c'est comme Turin puis Torino. Hein, c'est, ça, je sais pas. Mais oui. Deux mots qui se ressemblent, mais qui sont juste des différentes façons de le dire. C'est donc bien violent, hein, François. En forme, un peu plus en forme qu'hier. Ah oui? Ouais, je me suis couché extrêmement de bonne heure, Mathieu Plante. Ah ouais? Ouais. Okay. Quelle heure tu penses que François-Olivier se couche le soir? En général, 20... Non, mais là, hier, mettons. 21h30! Hier, ouh, le monsieur était fatigué. Ça doit. Hier, moi, j'ai... je vais... tranche de vie ici. Tranche de vie. Un rhume qui commence, peut-être. Là. Mais écoute, c'est bizarre que t'en parles parce que j'avais aperçu du côté sonore... Dans le timbre de ma voix. Oui. C'est pas bizarre. Moi, mucus. Donc, hier, j'ai fait une sieste en soirée, incroyablement. Je fais jamais de sieste parce que j'ai pas le temps. Hein. J'arrive à la maison. Pas le temps. J'arrive à la maison un petit peu tard parce que si tu fais une sieste à 5h30, 6h, à un moment donné, tu dormiras pas de la nuit. Hein. Bon. Donc, j'ai fait une sieste et c'est ça, à 6h30. Et puis, je me suis levé à 7h30, puis ma soirée était déjà... 6h30 à 7h30? Ouais, à peu près. Une petite heure, puis après ça, tu t'es couché à quelle heure? Peut-être 11h30, minuit. Puis, ma copine travaille tard. T'as bien dormi quand même? Ouais, pas de misère à t'endormir. Des fois, moi, quand je fais une sieste, mettons, exemple, après souper, parce que j'imagine que... Excuse-moi, t'avais soupé? Moi, j'avais soupé. Moi. Donc, j'ai de la misère à m'endormir souvent ce soir. Ben, moi aussi, ce serait la même chose, mais là, c'était vraiment juste le rhume qui faisait que je me suis quand même endormi. Ouais, bien fait, mon ami. Ouais, merci. François, on va retourner en musique tout de suite. On va entendre Broken Social Scene. Yeah! Et une pièce de la trame sonore de Scott Pilgrim. Oui, qui se retrouve là. Je l'avais vu sur ton album, mais ça m'avait beaucoup surpris parce qu'il y avait beaucoup de bonnes pièces. Oui, il y a de très bons artistes. Il y a la fille de Metric qui chante là-dessus. Il y a du Beck aussi. Il faudra en entendre d'autres plus tard. Oui. Mais on va commencer par Broken Social Scene. Voici Anthems for 17-Year-Old Girl dans l'assemblage requis au 89.1 FM. C'est la Radio Campus de Trois-Rivières. Used to be one of the rotten ones, and he liked you for that. Used to be one of the rotten ones, and he liked you for that. Used to be one of the rotten ones, and he liked you for that. Now you're all gone, got your makeup on, and you're not coming back. Can't you come back? Used to be one of the rotten ones, and he liked you for that. Used to be one of the rotten ones, and I liked you for that. Used to be one of the rotten ones, and I liked you for that. Now you're all gone, got your makeup on, and you're not coming back. Bleaching your teeth, smiling, flesh, talking trash under your breath. Bleaching your teeth, smiling, flesh, talking trash under your breath. Talking trash under my window. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées, Assemblage requis. Sur The Lovely Feathers et la pièce Long Walks de leur plus récent album Fantasy of the Lot. C'est pas pire. C'est plus que pas pire, François. Ouais, c'est très bon. Tu as tort si tu trouves que c'est juste pas pire. Wow, je peux pas avoir tort, c'est du goût. T'as tort. Non. T'as du goût, par exemple. J'ai du goût. Non, t'as du goût, t'as Assemblage requis, c'est l'émission oui. qui goûte le café aromatisé au caramel. Au chocolat. Au chocolat ramel. Chocolat ramel. C'est ça. Actualité du campus, François, qu'est-ce qui se passe sur notre bon vieux campus UQTR? Qu'est-ce que tu penses qui se passe, Mathieu, sur le campus en ce moment? En ce moment-là, là? Oui. Je sais pas grand-chose. Écoute, ben, on a l'impression de, parce que, en fait, le carnaval est passé, ouais. Ces trucs-là. Mais non, il y a toujours des trucs nouveaux, en fait, qui se rajoutent à chaque semaine. OK. Donc, c'est un peu là, pourquoi on fait notre revue là, de la semaine des activités qui se passent sur le campus. Je trouve que c'est une bonne idée, moi. Ben oui, moi aussi. On devrait faire ça à chaque semaine, comme on le fait déjà depuis le début. C'est une bonne idée, ça. Continuons. C'est une bonne idée. Hey, écoute, Matt, l'École internationale de français, ici même à l'UQTR... L'EIF. Oui, est à la recherche de partenaires de langue afin de permettre à ses étudiants de converser en français, de vous permettre de converser dans une langue de votre choix, anglais, espagnol, portugais ou mandarin. Le mandarin, ça doit être très dur, soit dit en passant. Donc, ça dépend de la nationalité des étudiants. Désolé, t'as vu, j'ai de la misère. C'est du mandarin, il faut se dire. T'essayais de pratiquer ton mandarin, c'est pour ça que ça sortait mal. Et je suis pas capable, surtout pas à cette heure-là. Uh-huh. Donc, la durée des rencontres est habituellement d'une heure, soit 30 minutes de discussion en français et 30 minutes de discussion dans l'autre langue, que ce soit anglais, mandarin, portugais ou espagnol. Donc, les personnes intéressées sont priées de communiquer avec Mme José Ruland au 819-376-5214. 376-5214. Donc, au lieu de prendre des cours d'anglais, ces trucs-là, on peut simplement aller là et puis nous faire pratiquer et les faire pratiquer aussi en même temps. Donc, c'est une recette un peu gagnante-gagnante, un peu comme l'accorderie. Oui. Le frais. Échange de service. C'est très bien. Exactement. Donc, voici en fait un petit cours aussi pour la recette gagnante pour l'étude d'examen. Donc, c'est un petit cours qui permet de répartir efficacement ces périodes d'études pour éviter le bourrage de crâne, quoi faire pour contrôler son stress, éviter les blancs de mémoire le jour de l'examen, plus sortir de tes tests en ayant la sensation d'avoir tout oublié ou avec l'impression que tu aurais pu faire mieux. Ça, c'est plate. Ça. Ouais. Ça, c'est très plate. Tu sors l'examen, t'es comme « Ah, mais bon, tu sais... » Ça arrive. Oh, ouais, ça arrive. Comment ne faire que ça n'arrive pas? Non, ouais, c'est ça. Ben, c'est à se présenter à ce... C'est ça. C'est un atelier, en fait, qui est fait pour les étudiants. L'inscription est obligatoire. Ça, pour s'inscrire, il faut aller au www.uqtr.ca/SAE trait d'union. Le soulignement qui part en bas, là? Non. Le trait d'union. Trait d'union bien simple. Oui, trait d'union bien simple. Sinon, ça s'appelle quoi? Barre de surlignement. Trait de soulignement, oui, il y a plusieurs façons de le nommer. La petite barre en dessous, comme certains disent. Petite note, parenthèse, tant qu'à mettre une petite barre en dessous dans votre courriel, là, vous ne pourriez pas trouver une adresse qui n'a pas de petite barre en dessous pour ne pas avoir à dire petite barre en dessous. Ouais, ça, c'est une bonne suggestion idée. Comme ça. C'est une bonne idée. Voilà, il faut s'inscrire. Ou si vous voulez de l'information, vous pouvez d'ailleurs contacter Mme Hélène Rousseau, 819-376-5011. Et le poste est le 6056. Et ça se déroule aujourd'hui. Oui, exactement. Aujourd'hui à 8h30. Ben, tantôt, hein? Oui, c'est ça, dans une heure. Ouais. C'est aujourd'hui que ça se passe. Ben oui. On parle beaucoup de stress et tout, là. Mais à un moment donné, c'est bon de s'en donner du stress aussi, comme dans, avoir juste une heure pour appeler. Donc, parlons maintenant de l'intervention auprès des aînés maltraités. Okay. Et ça se déroule à midi à la salle Rudolf Mathieu, pavillon Michel Sarrazin. C'est Marie Beaulieu, titulaire de la chaire maltraitance envers les aînés du Centre de recherche sur le vieillissement de l'Université de Sherbrooke qui viendra nous entretenir des différentes interventions possibles auprès des aînés maltraités. Donc, comment peut-être interagir avec eux autres, comment savoir aussi qu'ils sont maltraités, parce que je pense que ça devient un problème. Cette conférence est ouverte à tout le monde, donc pas obligé d'être à l'université non plus. Donc, ça se déroule à midi à la salle Rudolf Mathieu, pavillon Michel Sarrazin, et ça, c'est demain. Demain. Donc, toujours demain, hein? Demain, on est quel jour? Tomorrow. Demain, c'est mercredi. Le 9. C'est ça. Profession étudiant, un métier temporaire. Et ça se déroule à 15h30 au local mentionné lors de l'inscription. Donc, il faut obligatoirement s'inscrire. Comme un rave. Comme un rave, exactement. C'est à savoir s'ils fournissent les light sticks. Je ne pense pas. C'est gratuit. Donc, c'est vraiment en fait pour aider à gérer son temps. Si t'en as assez de remettre tes projets plus tard, tes études. La pression de dernière minute permet à certains de terminer à temps avec de bons résultats, alors que d'autres, c'est complètement le contraire. Donc, visitez le www.uctr.ca/SAE-psycho. Pour information, vous pouvez d'ailleurs contacter Madame Hélène Rousseau, 819-376-5011, poste 6056. Ça, en fait, là, c'est pour aider les gens à gérer leur temps. C'est gratuit. Donc demain, toujours demain, Hockey des Patriotes. Et ça se déroule à 19h au Colisée de Trois-Rivières. Les adultes, c'est 8$, étudiants 3$, toujours gratuit pour les étudiants de l'UQTR. Donc les Patriotes affronteront Concordia à 19h au Colisée de Trois-Rivières. Vas-y Mathieu. Moi j'ai une très bonne idée pour les gens qui ne sont pas capables de se présenter là-bas. Cifou va diffuser le match sur son site internet www.cifou.ca en web diffusion en direct. Pointez-vous là-bas juste avant 19h. Il va y avoir un avant-match d'environ 5 à 10 minutes. Donc allez voir sur le www.cifou.ca. Il va y avoir un gros lien et une image sur laquelle cliquer pour aller écouter et même voir le match. Oui. En vidéo. Oui. Incroyable. Donc, c'est une première. Oui, ben c'est un test finalement. Oui, oui, ça, c'est un test. Et puis, ça va être fort intéressant, je pense. Oui, ça va être très très bon ce soir, 19h, c'est fou.ca, pas à la radio, mais seulement sur Internet, donc allez-y. Sur Internet, oui. Voilà, il y aura des matchs qui seront diffusés sur la radio, sur votre poste de radio, éventuellement, et on vous tiendra au courant. Il y a un match d'ailleurs le 12 février. C'est ça exactement, à 14h. Oui. À 14h, le 12, donc celui-là va être disponible sur les airs par C'est fou. Oui, avec une antenne et tout, et tout, et tout. C'est pas génial. Vive la technologie de 1964. Bon. Donc, vous êtes toujours Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. J'avais pas fini. Ah non, pour vrai, j'avais pas fini, Mathieu. Fini. Excuse-moi, vas-y. Ok, là, j'ai fini. Est-ce que tu me niaises? Oui. Est-ce que t'avais fini? Ben, non. Ben, le reste n'est pas intéressant, c'est ça que tu veux dire? Non. Écoute, je vais en parler, ok? Ok, ouais, pardon. Il va y avoir une pièce de théâtre qui va s'intituler « Messe solennelle pour une pleine lune d'été ». Et ça, c'est à 8h30, de 8h30 à 16h30. C'est très long. Non, mais je sais pas, on dirait qu'en voyant l'heure, je m'intrigue, là, de 8h30 à 16h30. C'est quoi le nom de la... Non, OK, c'est juste la prévente de billets, désolé. La prévente de billets pour la pièce de théâtre, Messe solennelle pour une pleine lune d'été. C'est de 8h30 à 16h30 au kiosque 5 du pavillon Ringuet à l'entrée de la cafétéria. Billet 25$, prévente de billets pour la pièce de théâtre jouée par les étudiants du certificat en interprétation théâtrale de l'UQTR, qui, rappelons-le, ça fait pas très très longtemps que ça existe. Donc, si je me trompe pas, ça doit faire 2 ans maximum. Donc, vous pouvez d'ailleurs visiter le www.ucteur.ca/théâtre pour avoir des détails sur la pièce qui va se dérouler à la salle Jean-Antonio Thompson le 21 avril à 20h. Et voilà! Ah ben écoute, vu que tu parles pas, j'en ai peut-être un autre. Le 10 février, question pour un champion, ça se déroule à 19h, ici même au bistrot de la Chasse-Galerie, c'est gratuit. Oui. C'est un jeu qui va porter sur la culture générale. Un animateur posera des questions aux participants et ça sera probablement pas Mathieu Plante. Non. Et des prix seront remis aux finalistes et aux grands gagnants du jeu. Pour vous pouvez d'ailleurs visiter le site de l'événement à question pour un champion. C'est sur Facebook. Il y avait un lien, j'ai cliqué. Oui, donc, c'est sur Facebook. Super, et peut-être que vous aussi, ça a cliqué automatiquement par le clic de François dans votre ordinateur, on sait pas. Clac. Peut-être rendu là. Non, mais c'est une très bonne idée, est-ce que tu as déjà écouté Question pour un champion? Non. À TV5? Des fois, c'est très, très difficile. Je sais pas si les questions vont être adaptées pour le public. Là. Parce que des fois, c'est dur. J'imagine. Très dur. Est-ce que tu as terminé pour vrai? Oui. Je peux continuer? Oui. Je peux redire ma phrase préfète et beaucoup trop redondante. C'est quoi? C'est vous êtes à Assemblage Requis, émission matinale en pièces détachées. On continue jusqu'à 9h. Il nous reste 1h20 ensemble. Tout à l'heure, on va se faire une chronique. C'est un fait. Hein? Sur les choses à savoir, François, là. Les choses à savoir. Des choses à savoir. C'est important. Tu en fais ce que tu veux. Hein? En fais ce que tu veux. Ouais. Mais avant ça, demande spéciale. Demande spéciale. Roxane. Oui, Roxane. Bonjour, Roxane. Caroline 12, la pièce, c'est « You always make me smile ». Là, t'as un petit peu marmonné, je dirais, là, qu'on n'a pas tellement entendu ce que t'as dit. Yeeha! Carl Andrews. Ça, c'est l'artiste. Exactement. Vous allez toujours répéter après moi, Mathieu. Et la pièce, c'est « You always make me smile ». C'est un peu comme nous, hein. C'est pour ça qu'elle l'a choisi. C'est parce qu'elle... On est, Non. Sûrement pas. Peut-être. Je sais qu'à terme. I like your messy hair. I like the clothes you wear. I like the way you sing. And when you dance with me. Rainbow pair of gym shoes that you wear. I like the way you sing, and when you dance with me, I like the face you make, and when you dance with me, I like the rules you break, and when you dance with me, I like the cake you bake, and when you I like the chance you take, so won't you dance with me? I don't know why I love you, I just know I can't stop thinking of you. Oh wait, it's 'cause you make me smile. You always make me smile. I don't know why I love you, I just know I can't stop thinking of you. Assemblage Requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Autant vous dire n'importe quoi que dire ce que vous savez déjà. Se faire vider la tête. Alinéa Del Motor, assemblage requis au 89.1 FM, c'est fou. Hein? Oui. Oui? Oui. D'accord avec ça? Oui. Oui? Oui, okay. Oui. Hey, je te vois avec ton flambant nouveau CD des Francs Couverts. Ben oui, j'ai hâte de l'entendre. On va l'écouter tantôt, juste après la collègue que ça t'avait fait. T'as envie? J'ai envie. J'ai très envie. Des bonnes affaires là-dessus. On écoutera ça. Tantôt. Oui. Mais avant ça, comme je disais, ben, c'est le moment d'apprendre des choses, de s'enseigner, de se faire... De starter dactylo. Oui, starter, très belle façon de le dire. Startons la dactylo. Startons. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Les 3 V, les va-va-voum! Ça te fait plus réagir, hein? T'aimais ça au début. Oh, j'aimais ça. Ah, je te reconnais plus, ça. François, je te reconnais plus. commençons avec un fait que tu vas peut-être aimer. Savais-tu que les chiens n'ont pas vraiment la bouche plus propre que celle des humains? Que ce non. n'est qu'un mythe? Non. Parce que t'as peut-être entendu la rumeur disant que la bouche d'un chien est plus propre que celle de l'humain. Mm. Non, c'est faux. On sait évidemment que les chiens, bon, mangent du caca, des poubelles, boivent dans les toilettes, sortent les fesses des autres chiens, donc ça pourrait pas vraiment être vrai. Le mythe vient du fait que les cicatrices ou les blessures, les plaies des chiens finissent par fermer plus vite si le chien les lèche. Par contre, c'est pas parce qu'ils ont la salive plus propre, non. C'est parce que ça enlève les tissus morts et ça promouvoit la circulation. Ces deux choses-là peuvent accélérer le processus de fermeture de plaies. Par contre, t'as moins de chances de tomber malade en embrassant un chien qu'un humain. Pourquoi? Parce que la plupart des bactéries dans la bouche d'un chien sont spécifiques aux chiens. C'est ça exactement. Tandis que dans la bouche d'un humain, j'imagine que les bactéries se retrouvent un peu... Voilà, donc reste loin de moi aujourd'hui, si on veut. Hein? Hein? Oui? Oui? Qu'est-ce que tu dis? Reste loin de moi. Oui, tout à fait. Mon début tout de temps. C'est tout le temps. C'est pas mal la règle ici, je trouve. Un couple en Allemagne a donné naissance à une paire de jumeaux. Un enfant avec la peau très pâle et les yeux bleus, et l'autre avec la peau très, très foncée. Noire, brune, foncée. Et les yeux bruns. T'as déjà entendu parler de ce genre de choses-là? Non. Non. Steven Girth d'Allemagne et sa femme Florence du Ghana sont les fiers parents d'une paire de jumeaux inhabituels. Les chances, évidemment, d'avoir deux jumeaux de différentes couleurs de peau sont très, très minces. Mais c'est possible avec des jumeaux fraternels ou fraternaux. Je sais pas si on doit conjuguer et mettre le pluriel à ça. Fraternaux, disons-le, comme ça. C'est arrivé au moins 3 fois d'autres que celle-là, donc 4 fois depuis la dernière décennie. Tout ça à cause de parents avec dans le fond, différentes ethnicités, si on veut. Hein? Cas un petit peu plus inhabituel, en 1993, un couple allemand est-ce que c'est ça? Allemand ou hollandais? Hollandais, je crois. On finit avec un jumeau noir et un jumeau blanc, malgré que les deux parents étaient blancs. Pourquoi? Mélange dans la fertilisation in vitro. Parce que, tu sais, ils pouvaient pas, fait qu'il a fallu passer par in vitro. Et là, il y a eu un mélange, et puis on a fini avec le mauvais échantillon. Ça arrive, mais les parents sont quand même heureux de leurs enfants. Bon, oui, ben, j'imagine, tu peux pas. Mais c'est ça, c'est peut-être pas à toi biologiquement dans ce cas-là. Hein? Tu connais les pieuvres, l'animal à 8 tentacules? Oui. C'est 8, hein? C'est bien 8. Sûrement. L'animal avec les tentacules peut entrer dans une bouteille de bière. Ça, je savais pas ça. La raison, c'est que la plupart des pieuvres ont seulement une seule partie qui est solide dans leur corps. C'est le bec qui est situé en dessous de sa tête, ce qui permet donc à leur corps de se contorsionner. Ils peuvent entrer dans des endroits très, très, très, très, très serrés. Donc, on voit, il y a une vidéo dans l'article sur assemblagerequis.com d'une pieuvre en train d'entrer dans une bouteille de bière. Donc, au complet? Au complet, sur assemblagerequis.com. Mais petite. Une petite pieuvre. Ben, c'est une petite pieuvre dans une bouteille de grandeur normale. Donc, ouais, j'imagine que ça doit être quand même assez petit. Mais le bec, je sais pas quelle grosseur ça a exactement. Ça doit dépendre pas mal de... Il y a plusieurs grandeurs de pieuvre. Hein. On sait pas. On sait pas. Savais-tu que si tu manges le foie d'un ours polaire, tu pourrais faire une surdose de vitamine A? C'est vrai. De vitamine A? De vitamine A. Les ours polaires et plusieurs autres animaux polaires ont un très haut niveau de rétinol, qui est la forme biologique de la vitamine A, nous dit-on. Donc, consommer trop de cette substance-là peut résulter en une hypervitaminose, je vais dire isis, parce qu'en anglais, c'est le même, hypervitaminosis aiguë, A. Quelque chose de genre. C'est ça, c'est un élément assez important. Dépendant de la dose de vitamine A qui est ingérée par la personne, ça pourrait créer des symptômes aussi légers que les maux de tête et les vomissements. Sinon, ça pourrait être sévère aussi, ça pourrait être ta peau qui commence à tomber. Sinon, une hémorragie, un coma et même la mort si tu manges du foie d'ours polaire. C'est bon à savoir. C'est pas à conseiller, au moins. Je m'en ai même commandé ça. C'est ça. OK, d'autres faits. Un autre, tiens, rapidement ici. Il y a plus de millionnaires dans le monde qu'il y a d'Australiens. Ah, ouais? Ah oui, plus de millionnaires qu'Australiens. Apparemment, on peut vendre un réfrigérateur à un Esquimau. Tu sais, on dit toujours vendre un réfrigérateur à un Esquimau. Bon, donc, c'est le peuple Yupik en Alaska qu'on a vu avec des réfrigérateurs. Même qu'un journaliste a remarqué que tout le monde avait un réfrigérateur dans la ville de Savunga en Alaska. Et même que l'hôtel ou l'endroit où il est resté en avait deux. L'idée, c'est que si les gens laissent leur nourriture dehors, ben, ça va geler, ça va faire des brûlures. Ben oui. Puis l'idée, c'est pas d'attirer les bébites. Ben non, les bébites. Les bébites au froid de même. Ben, les animaux. Les animaux, ouais. Les ours polaires, vitamine A, etc. Ben oui. On parlait de jumeaux tout à l'heure. La paire de jumelles la plus vieille du monde a 100 ans. Chaque personne dans le groupe, là. Edna Pugh et Lily Millard de Garth Brady en Angleterre. Tiens, ils viennent de voler ce titre-là aux jumelles de 98 ans, Raymond et Lucienne Watelad. Après que Guinness ait vérifié leur certificat de naissance, la paire, bon, ils sont très très proches l'une de l'autre. Ils s'appellent au téléphone à tous les jours, malgré le fait qu'ils sont presque sourds, toutes les deux. Mais ils s'appellent quand même. Hein, qu'est-ce que je te dis? Hein? Edna et Lily résident toujours dans leur propre maison respective, donc chacune dans sa propre maison. Et ils font pas mal tout dans la maison. Edna s'est même présentée à des cours d'aérobie jusqu'à il y a environ 6 mois. Chaque femme est veuve depuis presque 20 ans, mais entre les deux, elles ont eu un total de 5 enfants, 15 petits-enfants et 12, comment t'appelles, arrière-petits-enfants? Ouais. Voilà. C'est quand même bien, bravo! Tu connais peut-être l'acteur Henry Cavill, je sais plus comment le prononcer, Émilie pourrait me dire Cavill, le gars qui va jouer Superman. Ah, les gars, Henry Cavill, disons. Cavill. C'est l'acteur qui a été refusé dans plusieurs rôles. Au début, il avait presque eu le rôle de Superman dans le temps, de Batman, de James Bond. On l'a toujours sauté par-dessus lui. C'est un acteur très malchanceux. Il a aussi perdu le rôle de Cedric Diggory et de Edward Cullen, des rôles que Robert Pattinson de Twilight a eu les deux rôles. Donc le gars s'était fait sauter par-dessus. Et puis là, ben évidemment, il doit être fâché. Il était fâché jusqu'à temps qu'il ait le rôle de Superman dans le prochain film qui sort en 2012. Ouais. Acteur malchanceux. On va en choisir deux derniers. Ok. Allons-y avec les dessins dans le Titanic, le film Titanic. Tu sais, les dessins de Kate Winslet dans Titanic, là, dessinés par Leonardo DiCaprio, tu sais, ouais. C'est bon. Ben, c'est pas Leonardo qui les dessinait, ça, je pense qu'on peut s'y attendre. Ouais, je pense que oui. Dans un film. Mais ce que tu saurais peut-être pas, c'est que c'était James Cameron qui les a dessinés. Ah oui, il est en vrai, t'es bon. Colin, hein? Cameron a dessiné tous les dessins dans le sketchbook, le livre de dessins de Jack. Les dessins ont été filmés. Donc c'est ça, à l'envers, ils ont été filmés à l'endroit évidemment, mais retourné à l'envers parce que James Cameron est gaucher et Leonardo DiCaprio ne l'est pas, donc ils ont dû inverser les images en post-production. Eh ben, surprenant. Eh ben, la main d'ailleurs dans le film qui dessine, c'est celle de James Cameron. C'est pas juste le dessin dessiné par James Cameron et la main de Leonardo DiCaprio. Oh. Non, bon. Et puis je vais te laisser choisir le dernier, tiens. Soit un fait sur Barbie et Ken, soit un fait sur la neige à Chicago en Illinois, ou encore le plus vieil homme de Tokyo. Barbie. Bon, ben Barbie et Ken se sont séparés en 2004 après 43 ans ensemble. Non. Hey, là, non, il faut pas dire ça à la radio. Ah, mais tu vas voir, il y a une belle fin à tout ça, contre. La vice-présidente au marketing chez Mattel, à ce moment-là, a indiqué que la séparation était à cause que Ken voulait pas se marier. Ouais. Barbie et Ken étaient inséparables depuis leur rencontre sur un plateau de télévision pour une publicité en 1961. D'accord, ils ont inventé une belle histoire autour de ça. Par contre, Barbie avait, dans le fond, la relation s'était terminée. Barbie s'était retrouvée avec un surfeur australien, Blaine, dans les poupées, dans tout ça. Heureusement, leur aventure était très courte. Ken a réussi à regagner l'affection de Barbie en 2006 se faisant un nouveau look et en allant s'entraîner. Non. Ou encore, je peux pas croire que t'es en train de nous raconter l'histoire de Barbie. Ben, c'est toi qui l'as demandé. C'est fantastique. Peu, c'est un peu toi qui as décidé ça. Je pensais pas que c'était ça. Bon, mais ça t'apprendra, hein? Ouais. Voilà. C'est tout, François. Merci, Mathieu. Ça me fait plaisir. Ça me fait énormément plaisir. Nous, c'est pas mal la fin de la première heure d'Assemblage requis. On va se retrouver au retour avec une deuxième heure et la présence magnifique, Émilie Gauthier avec sa chronique « Plein air veut sortir avec moi ». Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et magnifique. On va parler du défi nordique et du parc national de la Mauricie juste après cette info campus. Alors, reste avec nous. C'est fou. 89. Le service aux étudiants de l'UQTR et la Banque nationale sont fiers de vous présenter Assemblage requis. Bonjour, c'est la deuxième heure d'Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées en ce mardi 8 février 2011. Février! On est en direct des studios de Cifo à Trois-Rivières. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, François-Olivier. Le mois de février ne me rentre pas dans la tête. Je suis pas capable. Pas grave, il est pas long. Non, c'est ça, j'aurais pas à m'habituer, hein, finalement. Donc, avec FO et Mathieu, oui, jusqu'à 9h, il nous reste encore un petit peu moins d'une heure ensemble. Mais ça va être... on va s'arranger pour que ce soit possible. Agréable. Agréable, oui, pas pénible ou agréable, c'est pas mal. Avec Dame Nature, d'ailleurs, hein, qui est présente maintenant. Ah, on l'appelle comme ça, maintenant? Ben, je trouvais ça, intéressant. Tu pourrais jouer un rôle, tu pourrais te déguiser en Dame Nature. Arriver à chaque matin avec des feuilles puis des fleurs. À la radio, ça va être grandiose. Ah oui. On accueille donc Dame Nature elle-même, Émilie Gauthier. Voici « Veux-tu sortir avec moi? » Ah, bonjour! Mais là, j'y repense, Dame Nature. Il me semble que des fois, on se lève le matin pour faire « Ah, oh, maudite Dame Nature! » Ah! Ça fait peut-être pas, peut-être pas. Mais des fois, on se lève, par exemple, on dit « Mon Dieu, es-tu génial, Dame Nature? Il fait beau! Ouais. » Fait que je vais l'être juste les matins où est-ce qu'on est content de l'être. OK, on fera un sondage chaque fois, puis on demandera au public s'ils sont d'accord ou pas. Genre. Ouais, c'est bon. Bon, okay. Bon. Donc aujourd'hui, tu nous parles bien sûr de plein air comme à chaque semaine, mais là, tu as deux sujets. Tu vas nous parler tout à l'heure du défi nordique en grand détail pour te donner un avant-goût. Mais on débute avec le Parc national de la Mauricie. Oui, ben le défi nordique se situe dans le Parc national de la Mauricie. C'est pour ça que j'ai décidé d'en parler un petit peu aujourd'hui. Quel incroyable lien. Quel incroyable lien, je sais. Le Parc national de la Mauricie, pour ceux qui écoutent mes chroniques depuis le début, savent probablement que c'est mon coup de cœur. C'est pas très loin, là, 30-40 minutes de l'université, donc je pense que côté distance, ça vaut la peine, c'est pas trop dispendieux, c'est vraiment un coup de cœur. C'est quand même une superficie de 536 km², donc on a de l'espace en masse. C'est un paysage avec des collines, des rivières, des cascades, des lacs, des montées, des points de vue, des descentes. Je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a 34 km de sentier pour les marcheurs et les raqueteurs, puis il y a du hors-piste sur une portion du territoire pour les raqueteurs. Je sais pas si ça se dit, mais je disais que raqueteur, ça se disait. Bon. C'est ouvert vraiment tout l'hiver, du lever au coucher du soleil. On doit débourser 7,80 $ par adulte pour accéder au site, mais c'est comme ça dans tous les parcs nationaux. C'est le même prix partout? Tous les parcs nationaux, c'est le même prix. Ben, habituellement, à moins qu'il y ait une exception à la règle, mais les parcs nationaux, c'est un prix, puis les parcs provinciaux, c'est un peu moins cher. Je pense que c'est 5 $ à peu près, mais ça reste pas mal la même chose partout. Qu'est-ce qui différencie un parc national d'un parc provincial? Est-ce que c'est la grandeur? Je sais que, bon, écoute, nationaux, c'est dirigé par le fédéral et puis provinciaux par le provincial. C'est logique, mais non, on peut pas... Je sais pas. Bonne question. Bonne question, oui. Je pourrais essayer de m'informer là-dessus. Ce serait une idée. Donc, je disais 30-40 minutes de l'université, là, tout dépendamment où on est situé dans la ville de Trois-Rivières, mais c'est pas très long, ce rendre-là. Sinon, si vous voulez avoir un peu plus d'informations, on peut aller au www.pc.gc.ca/Mauricie. Simple. Ben, parccanada.gov.ca. Là, tu mêles plus le monde. Tu fais comme PC. pc.gc.ca. /Mauricie. Mauricie. Voilà. Bon. Ou assemblagerequis.com. Non. Non. Ouais. Okay. Ou c'estfou.ca. Mais on va arrêter parce que le monde doit tout être mélangé. Ou google.com. Tape c'est fou. Tant qu'à taper c'est fou. Tant que... Oui, effectivement. Bon, donc parlons du défi nordique. Salut les 5 et 6 mars prochains. Et tu vas y être. Oui. Ouhou. C'est quoi ça exactement? Ben, c'est un peu la suite du cyclo-défi qu'il y a à chaque année dans le parc de la Mauricie. Ils se sont dit, faudrait qu'on fasse quelque chose pour le monde qui aime ça, soit faire des activités l'hiver ou juste le monde qui tripe raquette ou le monde qui veut faire les deux. Bon, fait que je vous en parle un petit peu à l'avance parce que c'est ça, c'est le 5 et 6 mars prochain. Moi aussi, j'ai dit marche, tantôt quand je l'ai dit. C'est... Ouf! Mais ça vous donne le temps de vous inscrire. On peut s'inscrire jusqu'au 1er mars, donc... On a le temps encore un petit peu. En plus, les deux présidents d'honneur, c'est des athlètes olympiques, Alex et Pierre Harvey. Père et fils. Oui. Puis d'ailleurs, Alex Harvey a remporté le titre de champion du monde en ski de fond chez les moins de 23 ans en Estonie le 31 janvier dernier. C'est ça. Ça fait pas très longtemps. Et puis, il va être là. Fait que, il doit être en forme, hein? Il doit être en forme. Ce qu'ils te font, là. Je pense que 20, 21 ans, quelque chose comme ça, là. Puis. On voit les étoiles dans tes yeux. Je vais essayer de vous l'avoir en entrevue. Ouais. Plus pour toi, là. Prends une photo avec. Ça serait bon de mettre ça sur le site d'assemblage Ricky. Ouais. Je vais regarder ça à revérifier ça. C'est bon. Okay. Alex Harvey. Ouais. Parfait. Si vous voulez en savoir plus sur l'athlète. Pas très compliqué. Appelez-moi. Ah oui, je connais tout. Non, alexharvey.ca. J'étais allé voir pour voir si c'était écrit l'événement. Oui, voir si c'était écrit l'événement, oui. Pas pour voir les photos. Il y en a pas. Ah, je leur ai écrit un courriel d'ailleurs pour leur dire. Mais t'es place de photos. Non, bon. Donc, c'est deux journées d'activités qui sont proposées. Samedi, 5 mars, il y a trois parcours de ski de fond chronométrés. 10 km, 25 km et 40 km de style classique. J'en avais parlé un petit peu l'année passée à ma chronique « Comment choisir des skis de fond ». Il y a le style classique et le style patin. Donc, c'est ça. Patin, ça le dit, on patine. Puis classique, ben, c'est avec les deux skis droits. Ouais. Et tes articles du passé sont tous sur assemblagerequis.com. Oui, si on veut les écouter. Et oui, et les lire. Voilà. C'est, beau, c'est hein? terminé? Mais non. Ah. Oui, c'est fini, je m'en vais. Fait qu'il n'y a pas juste moi aujourd'hui qui saute un petit peu trop vite aux conclusions, hein, François? Je pensais que... Non, c'est pas fini. OK, bon. Ces compétitions-là, c'est vraiment ouvert aux skieurs du dimanche comme à l'élite. Il y a les amateurs de raquettes qui vont... qui ont un rallye nature sauvage de 6,5 km pour eux aussi, le samedi. Le dimanche 6 mars... je l'ai dit comme il faut... Il y a un parcours de ski de fond de 23 km puis un autre de 10 km qui vont être en style libre. Fait qu'on fait un peu ce qu'on veut. Pour les amateurs de raquettes, il y a un défi rallye coaching de catching. Géocaching, ça c'est des trucs où tu cherches des affaires qui ont été cachées. Tu cherches des caches avec un GPS. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est très plate. Non, c'est le fun, ça. Hein? Oui. C'est vraiment le fun. Je l'ai pas fait, mais j'ai vu faire et ça a l'air assez intéressant. C'est vraiment le fun. Oh, okay, découvre des trucs que tu sais pas, parce que tu sais pas ce que ça va être nécessairement. Dans le fond, c'est un défi hors piste. Ben, ça dit que ça fait à peu près 12 km si tu te perds pas. C'est à peu près c'est un défi hors piste qui a des énigmes puis des caches. Donc, faut que tu répondes aux énigmes pour être capable de te diriger pour voir la prochaine ou t'as une cache qui va te donner déjà des coordonnées GPS pour te rendre à l'autre. Ouais. C'est sûr, toi, si t'aimes mieux juste faire de la raquette, te rendre point A au point B, c'est correct. Mais moi, j'ai envie d'avoir le thrill de « Ah oui, là, c'est là, OK, là, mon indice, faut que je me rende à l'autre place. » Je pense que c'est un style de compétition que... Ouais, peut-être. En fait, j'ai un de mes amis proches qui en a fait avec sa copine dans le parc de la rivière Batican, parce que ça, à la limite, il y en a partout. Oh, tu oui, vas sur oui. Internet, par exemple, oui. Trouve tes crânes. Et il a trouvé ça tellement plate, là, il capotait. Il capotait, mais c'est pour ça que je dis que c'est plate, là, mais... Mais là, c'est une compétition, là. Ouais, une compétition. Peut-être que ça rehausse... Tu vas arriver le premier aussi, dit, là. Lui, trouver un pot de pelune d'une souche, là. Ouais. Tu mets ça, puis c'est quoi, t'écris ton nom aussi, je pense? Non? Je sais pas. Moi non plus, je suis pas sûr, là. Il y a peut-être différents, peut-être... Il doit avoir différentes techniques, là. Ouais. Ça peut être caché à des endroits très, très bizarres. Ça dit la coordonnée, GPS, quelque chose du genre? Ouais. Puis ouais. Une fois parce que je sais que dans mon coin, il y en a beaucoup qui se font en vélo. C'est des ouais. Parce que c'est sur un assez grand territoire, fait que t'as pas le choix de le faire en vélo. Puis j'ai un de mes amis qui en fait, mais qui fait ça, mais sur des gros territoires, fait que tu les fais en auto. Ouais. Ça pogne vraiment, vraiment beaucoup. Avec Internet, il y en a, tu peux juste, même si c'est pas une compétition, juste toi-même y aller chercher sur Internet des places de géocaching. Puis il y a des affaires qui sont cachées peut-être à Trois-Rivières en ce moment, puis on sait même pas. Puis il y a quelqu'un qui va venir le chercher puis le remplacer par d'autres choses plus tard. Là. On sait pas. C'est cool. C'est caché. Je sais qu'il y a des trucs qui se font que c'est juste rentre-toi du point A au point B, t'as une super vue, mais tu sais, c'est des genres de vues que tu peux pas savoir si tu passes pas par tel petit sentier caché. Puis, ben, y a différents types, mais là, pour le défi nordique, là, c'est vraiment avec des caches puis des indices, puis il faut que tu te rendes. Mais bon, faudrait que tu le fasses avant de juger. Ça, c'est l'exécution qui est différente. Sinon, pour les gens en raquette, il y a un autre parcours de 2 km qui permet d'en découvrir davantage sur la faune et la flore. C'est peut-être plus une activité pour toute la famille là, de 2 km. Puis c'est une activité qui est offerte avec Info Nature Mauricie. Donc, il doit y avoir des belles petites informations. Ça doit être le fun. Le départ des activités se situe environ entre 9h30 et 10h les deux journées. Là, ça a des décalages de 10-15 minutes entre chaque compétition. C'est ça. Fait qu'en bref, le défi nordique puis le défi Vélomag, ça accueille environ 8000 visiteurs par année. 85% des visiteurs proviennent de l'extérieur de la Mauricie. Donc, comme c'est bon. C'est bon pour la Mauricie. C'est bon pour la Mauricie, c'est bon pour la culture, c'est bon pour plein de choses. Pour l'économie, voulez-vous... Non? OK, c'est correct. Non, c'est bon. Bon, j'aurais dit peut-être juste un dernier, mais... pour voir Alex Arnaud. Non, ah, peut-être. Ah. J'avais pas pensé à ça. Honte à moi. Bon, le comité organisateur de l'événement a été reconnu par de nombreux prix et mentions comme prix de partenaire d'excellence nationale par Parc Canada en 2010. Je me dis, si à travers le Canada, c'est eux autres qui sont choisis, ça doit être que ça donne des bons ouais. événements d'envergure. Mmh. Les tarifs sont sur le site definordique.com/inscription.aspx. Donc, si vous voulez avoir les prix, c'est quand même... ça tourne autour de 50-60$, mais c'est quand même une grosse compétition. Puis le coût de l'inscription inclut un repas chaud, le coût d'entrée au parc. On se dit que le coût d'entrée, c'est déjà 8$. Il faut que ce soit, il faut le payer. La carte, il y a un dossard, l'encadrement, le stationnement, le service de premiers soins, tirage de prix de présence, service de douche. Donc, tout dans le prix, c'est normal. Ouais, pour assister à la compétition, c'est quand même 8$. On paye l'entrée. C'est ça. Exactement. Puis après ça, on peut profiter du parc aussi. Oui, si t'as pas le goût de regarder la compétition, puis parce que le parc, c'est immense. Oh ouais, c'est... Là, la compétition se situe à l'entrée Saint-Jean-des-Piles, parce que l'entrée Mathieu du parc, l'entrée Saint-Mathieu, là, est fermée l'hiver. Oh ouais? Donc, t'as pas le choix de passer par Saint-Jean-des-Piles, mais si tu veux aller faire de la raquette, puis pas être dans les sentiers de personne, tu te promènes, puis tu s'en vas ailleurs. Là, le parc est pas fermé cette journée-là juste pour l'événement. Là, donc, si vous voulez regarder une compétition, puis dans l'après-midi, aller faire autre chose, vous pouvez y aller. Pour le ski de fond aussi, on ajoute une inscription au magazine Géoplanaire, un kilométrage puis le ravitaillement sur le parcours. Pour le géocaching, on ajoute la location du GPS, une carte puis des attaches et le chronométrage. Fait que je pense que l'inscription en vaut quand même la peine. Pour le géocaching, c'est recommandé d'apporter une bouteille d'eau, un petit sac à dos, une collation, d'être habillé sur un système multicouche. Les autres, ben, on sait comment on s'habille selon... selon l'activité qu'on fait. Ceux qui te font raquette, habituellement, ceux qui vont y aller, c'est parce que c'est pas la première fois qu'ils en font, j'imagine. Fait qu'ils savent un peu comment s'habiller. Multicouche, j'en avais déjà parlé aussi l'année passée, comment s'habiller selon... c'est vraiment un sous-vêtement ajusté pour évacuer l'humidité, un survêtement pour procurer de la chaleur, puis une coquille qui va servir de coupe-vent imperméable. Ça, je pourrais peut-être faire à un moment donné quelque chose là-dessus. Mm-hmm. Fait que dans le fond, je pense que le défi nordique, c'est un événement qui est quand même à ne pas manquer pour ceux qui aiment la raquette puis ce qu'ils font, autant en tant que participant que juste visiteur. Le mardi suivant l'événement, le 8 mars, je vais essayer de faire un petit topo là-dessus, là, puis je vais essayer d'enregistrer Alex qui parle oui. dans un micro, je sais pas trop. Là. Tu vas tout faire. Le pire, c'est que j'ai même pas vu de photo de lui. Je sais même pas de quoi qu'il a de l'air. Bon, quand même. Bon, tu viens de défaire la blague, là, par exemple. Mais je sais. Tu sais. Non, mais tu sais, c'est un athlète olympique, là. Ça doit être quelque chose. Quand ils sont athlètes olympiques, d'habitude, ils sont, sont pas si piqués que ça, c'est ce que tu veux dire. Je pense que tu pourrais l'aimer. Ouais. OK, c'est bon. Ouais. C'est bon. C'est bon. Fait que sinon, le site, pouvez-vous juste taper Défi Nordique Shawinigan sur Google, puis ça va vous sortir toutes les informations que vous voulez avoir. Parfait. Merci beaucoup, Émilie Gauthier. Ça me fait plaisir. On te retrouve la semaine prochaine, mardi à 8h, pour une autre chronique. Oui. Veux-tu sortir avec moi? OK. C'est le nom de la chronique. Ah, OK. C'est bon. On se comprend là-dessus. Question que tu demandes entre. Vous êtes toujours Assemblage Requis, c'est l'émission matinale en pièces détachées. Tout à l'heure, François. On va revenir, on va parler. On va revenir ensemble, on va parler encore de choses intéressantes, malgré que toi, tu nous quittes. Ça ne sera pas très intéressant, ça. Ben oui, mais c'est d'autant plus le fun avec une dame parmi nous. Ouais. Je vais pas prendre ça trop personnel. Hein? Non, ça n'a aucun personnel, Mathieu. Tu sais, okay. Mathieu commence à avoir les cheveux longs. Fait que... Commence, tu dis. Moi aussi. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai des spots, j'en profite parce que okay. ça ne durera pas des années. Ouais, okay. C'est ça. Oh. On va écouter quelques pièces de la compilation des Francs Ouverts. C'est la 15e édition cette année, le concours de l'alternative musicale francophone. Et là-dessus, il y a plein d'artistes. Plein d'artistes, certains qu'on fait jouer, comme disons les Handclaps, les Incendiaires qu'on a joué hier, qui d'autres que je reconnais là-dedans, il n'y en a pas tant que ça. Le reste, c'est des choses qu'on va découvrir avec le temps. Hein? Et on va commencer aujourd'hui avec Isabeau et les Chercheurs d'or. Voici Septembre à C'est fou 89 fois. Se colore, piétiné par les sabots et l'odeur de la mort m'écarte. Sur ma civière, le sang dans la gorge, le cœur à l'envers, les chevaux vivre bâtard général, et la terre est sale. Je peux sentir la chaux, on étale sur les dépouilles canibaux, les soldats ont tous mordu la poussière. Écoutez le fer. Je suis brisée, le bruit des fusils me garde éveillée. Je croyais pouvoir survivre au matin, un trou dans les. Je suis seule, triste sort. La morphine a ramolli tous mes rêves et la vie me pèse. Je pars mon amour, mon regard cherche refuge tout autour. Mais le noir a remplacé la lumière et gagné la Fermez les sont sur Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. François Olivier, Mathieu Plante, assemblage requis en pièces détachées. Jack et la fille du président dans Rassemblage requis au 89.1 FM. Avant ça, on a entendu une autre pièce de la compilation 15e édition des Francs couvertes. C'était Les Incendiaires avec Amant d'immeuble. On a débuté avec Isabeau et Les Chercheurs d'or et Septembre. Donc, trois pièces de cette compilation en deux CD. Bien aimé Les Incendiaires, oui? Avec la pièce Amant d'immeuble. Uh-huh. Les autres, je trouvais ça peut-être un peu plus... je sais pas, ça passait peut-être un peu plus inaperçu. Ouais. À mes yeux, à moi. Là. Ben, je suis d'accord avec toi, c'est ce qui est ressorti moi aussi. Les Incendiaires, c'est très très bon. On va en entendre d'autres à travers les jours et les semaines. semaines qui s'en viennent, évidemment, tout ça va mener vers l'événement Les Francouvertes. Là, en fait, ça, c'est pas mal maintenant que ça a lieu, ça. Ça commence, attends un peu. Ça commence ça a commencé dans ce coin-là. Hein. Première soirée préliminaire, ça commençait le 7 février. Ça va se continuer jusqu'au 3 mai 2011. Voilà. Donc, on est en plein cœur des Francouvertes. On en entendra donc plein d'artistes de ça. Allez voir francouverte.com pour savoir qui est en spectacle, où et quand. Voilà. Merci, Mathieu. Fait plaisir. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, j'ai reçu un courriel. C'était à ton tour l'autre fois. Là, c'était à mon tour de recevoir un courriel d'amour, là, d'argent. Elle est chanceuse. Moi, écoute, j'ai envoyé mon argent. Ouais. J'attends. J'ai pas eu de nouvelles encore, donc je sais pas, là. J'imagine, j'apprête peut-être à donner ma démission parce que j'aurais plus besoin de travailler. tu te seras fait léguer un paquet d'argent. Ça dit, je m'excuse pour cette intrusion. Je me nomme Géraldine Burdi, originaire de la France. J'ai dû vous contacter de cette sorte parce que je souhaite faire une chose très importante. Et là, elle raconte qu'elle va mourir et elle ne veut pas avoir à se débarrasser de l'argent. Je souffre énormément. J'ai très peur de mourir sans la destination de mes biens. Je n'arrive presque pas à dormir la nuit comme la journée car je ne veux pas mourir sans avoir fait le don de tout cet argent. Sinon, je pense que ça serait un gâchis. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bon. Wow, t'es chanceux, Mathieu. Tap, tap, tap. T'es choisi. J'ai été choisi, je suis l'élu. Oui, tout à fait. Voilà. Chanceux. Bon. Ah, il nous reste une demi-heure ensemble à Assemblage Requis à cette émission construite à partir de matériaux de qualité. Hein? Oui. T'es pas d'accord avec moi? Oui, mais là, elle est partie. le matériau de qualité en particulier, elle est partie. Ouais. Émilie Gauthier, c'est vrai. Exactement. On n'a plus, il ne reste que nous. Que nous, on est laissé. On est laissé tout seul, Mathieu. Avec la miséricorde de Dieu. Oh! Bon, toi au moins, t'as la miséricorde de Dieu. Moi, j'ai vraiment rien. Tu vas aller en enfer, gros pas bon. Alors, on écoute Wolf & Cobb, voici 7-7. Je suis accro à cette pièce, écoutez-la et appréciez-la avec moi. Puis, chose est faux aussi. Ouais, pas ça, ça. Wolfing Cobb et la pièce Seven Sevens dans l'assemblage requis, 89 FM, 8h37. Minute du matin, hein, évidemment. Du matin. Parce qu'on est le matin. Oui. Hein? Ben, oui. Bon. François? Mathieu? T'avais envie de jouer du MGMT? Oui. Et moi, j'ai envie d'entendre du MGMT. Ça tombe extrêmement bien. Extrêmement bien. Donc, on va écouter Electric Feel. Oui. Ça te va? Oui. Très bien. Si tu ne veux pas avoir d'inconvénients? Non. D'accord. Je suis en train de me demander si on en jouait deux. Deux? Moi. Back to back? Pas sûr que ça va rentrer, hein? Je sais pas. On commence par une. On commence par une. Si, si c'est convaincant, on en jouera peut-être une deuxième. Parfait. Oh, qu'on l'a l'affaire marketing. Electric Feel. C'était notre machine qui s'est brisée en cours de route et qui a joué deux pièces de MGMT. Ah, c'est inacceptable, des affaires de même. Elle a même fait le mix. Elle a même fait le mix, puis elle a même joué l'intro de la chronique à la fin. C'était à ne rien comprendre. Donc, MGMT, on vient d'entendre Flash Delirium, et avant ça, c'était... C'était Electric Feel. Des MGMT, toujours. Feels good. C'était très bon. Ça feel bien dans mes oreilles. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu MGMT ici. Trop longtemps. À la radio, je parle aussi. Oui, le dîner de con, on joue des fois, mais pas assez encore. Pas assez. Ah. Qu'est-ce que tu veux? À un moment donné, hein, on peut pas tout jouer. Il y a tellement de bonnes affaires dans la vie que... On y pense, puis on y fait jouer, puis on y pense, puis on y fait pas jouer. Ça arrive, c'est comme tout ça. Tout à fait. Tu me parlais de Google.com. J'avais même pas marqué encore aujourd'hui. Moi, j'utilise la barre de recherche Google dans Firefox. Je vais jamais sur Google.com en tant que tel. Et puis là, c'est l'anniversaire de Jules Verne aujourd'hui. Ah, c'est pour ça. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe sur la page d'accueil? C'est, ben en fait, il y a comme plein d'hublots où ce qu'on peut décider d'aller, en fait, ben je l'explique mal, là, mais... comment t'expliquerais ça, Mathieu? T'as un petit joystick là, à droite, une croix directionnelle où tu peux décider de faire monter ou descendre dans le fond ton vaisseau. C'est comme si tu naviguais. C'est ça. Ton bateau. Sous l'eau. Ton périscope, presque, si on veut. Ouais, et puis t'as des petits cadrans à gauche qui apparaissent, mais eux, tu peux pas cliquer dessus, par exemple. Non. C'est très joli, c'est mignon. Google.com, petit site internet qu'on vous suggère. Google.com, dans la chronique nouveau site web. Là. Mais ça, c'est Rassemblage Ricky. Oui, oui. Le lien va être dans les notes de l'émission d'aujourd'hui. Ah, qu'on a du plaisir. Il nous reste une quinzaine de minutes ensemble. C'est pas beaucoup. Je dirais que c'est même pas assez. On défonce. On défonce. Non. On défonce. On défonce pas du tout. Ouais. Non. À la place, on va aller entendre une bonne pièce. Qu'est-ce que t'en penses? Une bonne pièce. Une bonne. Pas une pièce, là, so-so, là. Genre Virginie Coussi-Coussa, là. Non, non, non, non, non. Elle est très, très jolie, par exemple. Oui, tout à fait. Elle est pas mal plus Coussi que Coussa. On va aller entendre la pièce. Ah oui, Colin. Une pièce de. Une autre pièce. Ben, écoute, je vais te dire pièce trois fois. Dix toune. Fois. Dis donc, toune. Une toune? Ouais. Je t'entends jamais dire ça. T'es fin. C'est une pièce du jeu Little Big Planet. L'autre fois, on avait commencé une toune de Little Big Planet. On avait fait jouer l'autre fois à Jim Noir avec My Patch. Et t'avais, je crois, aimé pas mal ça. Oui. Donc, si tu veux te mettre dans l'ambiance et peut-être un jour pourras-tu jouer à ce jeu, voici Café Tacuba avec Volver à Comenzar. Et je te dirai comment l'appeler tantôt, François. Merci. C'est l'assemblage requis au 89 FM, c'est fou. diría fuerzas para decir cuánto lo siento. Si volviera de un viaje a mis adentros, si volviera a comenzar, no tendría tiempo de reparar el agua derramada. Está la sed que siento. Café Tacuba avec Volver a Comenzar. Assemblage requis au 89 FM. Est-ce que t'as trouvé ça bon? Oui, j'ai aimé ça. Longue un peu, mais très bonne. Très longue pièce. Combien de temps ça dure? 7 minutes 44. 7 minutes 44. Et ça se retrouve dans le jeu Little Big Planet 2. Et non, le premier, c'est le premier. Oui. Et ce que j'ai trouvé bizarre dans le film, et ce qui fait que je suis vraiment. Dans le jeu, excuse-moi. Dans le film. Et qui m'intrigue sur le CD, dans le fond, parce que les pièces du CD sont complètes. Alors que dans le jeu, ils mettent seulement les bouts de bonne humeur, les bouts upbeat des chansons, ils les répètent sans cesse. Ça reste bon quand même, parce que dans un jeu vidéo, tu veux pas comme avoir des bouts super calmes. Mais bon, je trouvais ça différent. J'aime avoir les versions complètes et j'aime vous les faire entendre. Bon, il nous reste juste assez de temps, vraiment, là, juste serré pour aller entendre une pièce de Hot Hot Heat. Voici YVR et on revient avec la conclusion de l'émission. Tonight. So we head to the pit of shame, where they all look the same. We're blind and deaf and hear, but don't really mind. Get myself in a drink, it always helps to think. Don't need to live too long, but don't need to die. See how you look and how you feel, we're not the same. Let's live a life together. Let's live a life together. How you look and how you feel, we're not the same deal. Let's live a life together. Let's live a life. This time we let it slide. Tiptoe or don't, but now pickpocket, believe it. See, I figured out how you look and how you feel. They're not the same deal. Let's live a life together. Let's live a life together. How you look and how you feel. They're not the same deal. Let's live a life together. Let's live a YBR de Hot Hot Heat, et c'est la fin d'Assemblage requis pour cette journée du mardi. François-Olivier, qu'est-ce qu'on a demain à l'émission? Demain, Maxime Lemieux, l'armée, avec sa chronique en télécharge quoi? C'est vrai, c'est à 7h demain matin. Soyez-y, passez une excellente journée. Même chose pour toi, François. Même chose pour toi, Mathieu Plante. Restez à l'écoute pour l'émission C'était fou que j'anime dans quelques instants. Bye bye. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.